Merci beaucoup de ce témoignage, hein, de cette analyse. Moi qui personnellement m'a appris quelque chose, hein, au niveau de la homophobie, je ne pensais pas qu'on en était là au point effectivement de mettre en cause le droit, hein, l'état de droit en tant que tel, hein, et que l'arbitraire était à ce point avéré. C'est vrai qu'on a vu des images choquantes à la télévision, mais on ne s'imagine pas véritablement le type de violence que cela peut quand même induire pour les populations elles-mêmes. Là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut sans doute davantage médiatiser. La homophobie, c'est vrai, comme élément extrême, donc d'une violence d'État qu'il ne faut ne pas arrêter de dénoncer. Je crois d'ailleurs qu'à l'École des hautes études, il y a un travail qui est fait spécialement sur la homophobie, hein, avec Claude Calame en particulier et d'autres qui travaillent sur ce point. Et c'est vrai que c'est un problème quand même grave, hein, parce que finalement, ça rejoint la question du programme, hein, des extrêmes. Hein, le gouvernement, finalement, applique d'une manière plus ou moins occulte le programme d'un extrémisme xénophobe, hein, qui n'a plus même besoin de revendiquer, puisque dans les faits, le gouvernement, qui se situe pourtant dans un volant progressiste, hein, sur le plan social, finalement, concrétise un programme extrémiste, à la limite quand même du cadre républicain. Voilà, donc ça c'est un point quand même important à signaler. Hein. Et ça nous ramène effectivement aux racines de ces manquements à la démocratie et à l'état de droit. Hein, les racines coloniales, en particulier de la France, de l'État français. Quel est, dans l'histoire nationale, qu'est-ce qui peut expliquer un tel état de fait? Bon, à l'égard de Rome, qui sont par ailleurs des citoyens européens, hein, c'est vrai, mais est-ce que dans le passé du pays, il y a des origines historiques qui permettent d'expliquer une telle violence de fait. Ça nous amène donc au deuxième exposé, effectivement, cette nécessité de décoloniser les savoirs qui permet après, pourquoi pas, de décoloniser les pensées, l'opinion et les pratiques d'État. Et donc c'est Loa Lust Bulbina, merci de bien vouloir nous dire effectivement quels sont les travaux actuellement qui sont effectués pour, dans cette perspective-là. Et peut-être, par exemple, par comparaison avec les post-colonial studies, hein, les fameuses études américaines, on connaît les travaux de la communauté afro-américaine, hein, le cinéma afro-américain. On sait que dans ce standard multiculturel, les communautés s'expriment d'une manière plus libre, hein, qu'en France. Hein, nous n'avons pas le même mode de citoyenneté, nous avons un mode individuel qui combat parfois dans la dérive et de combattre les communautarismes. Bien entendu que le communautarisme est en soi un problème, pourrait être un problème, il ne l'est pas, hein, actuellement en France. Chaque pays invente, innove en fonction de son modèle citoyen et politique propre. Et c'est vrai que les États-Unis peuvent, d'une certaine manière, relativement à leur expérience, nous apporter un plus en ce qui concerne donc les études postcoloniales. Donc ça pourrait peut-être être un élément d'analyse. Merci beaucoup. Merci.